mes amis, quelle soirée! Hier, au lieu d'aller faire le vagabond sur les scènes, j'ai dîné avec mes collègues inspecteurs au Guinness, là. Ah oui, sans blague. Mais c'était hier. Quel rapport? Mais c'était hier. Et moi, c'est bien marré. On a bouffé comme des cochons, et en ce qui concerne la picole, ouh, je vous raconte pas. Moi-même. Si, si, raconte-nous aussi, vas-y. Moi-même, je me sentais un peu bizarre, c'est pour dire. Ah, les derniers schnapps, déjà, schnapps, qu'on a pris, ont été fatales. D'ailleurs, j'ai deux collègues qui sont morts suite à ce repas. Bref, une super soirée. Il faut dire, on a quand même besoin de décompresser avec ces métiers de fou, hein. Faut pas croire, mais on a de ces pressions, mes gaillards. Tenez. Moi, l'année dernière, j'ai fait une petite bourne qui a bien failli coûter mon poste. À une semaine de la réunion générale pour attribuer les étoiles, j'avais perdu mes notes. En 7 jours, j'ai dû retourner dans 50 restos que j'avais inspectés pendant l'année. Le calcul était simple. 50 restos en 7 jours, ça fait un peu plus de 7 repas par jour. Oh, des journées de malade mental, je me faisais, les amis. De malade mental. Je vous donne une journée type. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais une choucroute, un petit litre de vin blanc. Mais enfin, monsieur, les cuisines ne sont pas encore ouvertes. Eh ben, tu vas me les ouvrir plus vite que ça, le pingouin. Mais il est 7h du matin, monsieur. Oui, ben, je sais. 7 repas par jour, faut que je commence tôt. Bagne-toi le cul. Après la choucroute, les jarrets de porc arrosés de 5 litres de blanc et 22 petites mousses, je sors du resto, juste le temps d'aller à la pizzeria. Hey, salut Pavarotti! Je te préviens, j'ai pas de temps à perdre. Tu m'amènes une pizza à 4 fromages, une escalope milanaise, des carbonara et un tiramisu! Ma, vous bouffez quoi? Mais du vin, le pinard, du rouge en grande quantité! Mange-toi le cul, Michel-Ange! Ah, une fois fini, je me précipite pour la dégustation espagnole. Ah, salut Pepito! Vas-y, fais péter la paella avec 10 minutes! Et puis t'es gentil, hein, quand tu passes devant la fenêtre, tu l'ouvres en grand! Ah, je sais bien que les oignons, c'est une de tes spécialités dans ton pays de sauvage, mais quand l'odeur vient de tes aisselles, c'est moins exotique. Hein, Christophe? Je suis. 20 minutes plus tard, j'avais fini. Ah, j'ai même été, je me suis retrouvé chez un chinois. Hé, hey, Jackie Chan, tu m'apportes tes spécialités vapeur et un petit litre de saké pour faire passer tout ça. Qu'est-ce que tu fous? J'ai du boulot, moi. Oh, la serveuse! Oh, fleur de lotus! Tu vas en cuisine, tu dis à Bruce Lee de se baigner le derge. Je suis à la bourre, moi. Et ainsi de suite, jusqu'à 2h du matin, je me couche jamais à cette heure-là, Christophe. Tout ça pendant une semaine. Bilan, une crise de foi monumentale. Mon immeuble a été décrété zone sinistrée. Les locataires ont été hospitalisés. Un vrai carnage. Du coup, ça m'a énervé. Ah, j'ai mis des sales notes à tout le resto que j'avais inspecté. Bon, je vous laisse, je me prépare pour la fête de la musique de ce soir. Allez, en fidazen. Ouais. C'est pas joli, hein. C'est moche. Pas très fair play, hein. Ça sent le décalage, tout ça, dans l'espace-temps, là.